Fuck cette pute, fuck ce monde, fuck ce game, j'm'en balais. Faut que je parte autre part, j'rêve que de m'en aller. Si j'trépasse, Dieu merci, si j'dépasse 30 balais. Mais la vie n'fait pas de cadeau, j'peux pas trop m'emballer. Fuck l'argent, fuck la gloire, fuck le rap, désolé. J'ai besoin de pas grand chose à part de ma dose pour décoller. J'suis souris, j'suis foncé, fuck l'alcool, j'suis saoulé. J'suis loin de la matrice, j'espère j'suis pas le seul, j'veux pas être un cas isolé. J'aimerais bien me faire un grand billet, mais j'peux rien faire sans billet. On va les soucis s'empiler, cherche les raccourcis, les sentiers. J'aimerais bien me faire un grand billet, mais j'aimerais bien me faire sans billet. Je veux voir les victoires sans billet, je veux voir les étoiles scintiller. Je rêve encore de voyage, mais je préfère pas y penser. Je manque d'argent à dépenser, je suis trop proche de la noyade. Pourtant je manque de liquide, la vie est moche sans pied mauve. La vie est terne sans pied vert, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Emmerde encore un jour de plus. Emmerde, j'y encore high de la veille. Emmerde encore une journée de taf. Emmerde, j'suis encore fondé, yeah yeah yeah. Emmerde, le frigo est encore vide. Emmerde, mais quand est-ce que j'vais m'en sortir? Emmerde, encore une nuit blanche dans le noir. Emmerde, j'suis encore fondé, yeah yeah yeah. Je le fais pour moi, je le fais pour mes frères. Je le fais pour moi, je le fais pour mes frères. Roule un gros joint et fais tourner frère. J'ai comme devoir de faire de la maille. Le jour on se perd, on opère la night. Car le jour m'éclaire, mais le jour m'éclaire. Donc je fais mon devoir toute la journée, frère. Et je fais mon devoir toute la journée. Yeah, j'suis blasé comme ta idole, mais je vais pas sauter par la fenêtre. J'suis juste blasé, c'est comme ça, voilà, j'ai pas trop la tête à la fête. Yeah, rien de plus mystérieux que le futur, je vois pas venir. J'suis pas trop serein depuis que je sais que le passé a tout cas, j'm'en baisais l'avenir. J'vis ma vie, j'vis la nuit, j'tape le jour, oh. Si j'm'endors, c'est comme la mort, y'a pas de retour, no. Fais du blé, c'est sur les lois qu'on glisse, ouais. Négro le fait pour ses projets qui s'accomplissent, ah. Y'a de la jalousie sur les bavoirs. Si j'ai de la conscience, j'fais crouler. C'est impossible, je peux couler. Mes proches et Dieu sont mes nageoires. La vie met des claques à chaque jour. Des péchés, on en fait chaque jour. La richesse pour parents et proches. J'suis déjà riche dans le cœur, pas dans les poches. Je rêve encore de voyage, mais je préfère pas y penser. Je manque d'argent à dépenser. Je suis trop proche de la noyade. Pourtant là je suis à sec. La vie est moche sans pied mauve. La vie est terne sans pied vert. J'ai besoin de remplir mon assiette. Emmerde encore un jour de plus. Emmerde, j'y encore high de la veille. Emmerde encore une journée de taf. Emmerde, j'suis encore fondé, yeah yeah yeah. Emmerde, le frigo est encore vide. Emmerde, mais quand est-ce que j'vais m'en sortir? Emmerde encore une nuit blanche dans le noir. Emmerde, j'suis encore fondé, yeah yeah yeah. Je le fais pour moi, je le fais pour mes frères. Je le fais pour moi, je le fais pour mes frères. Roule un gros joint et fais tourner frère. J'ai comme devoir de faire de la maille. Le jour on se perd, on opère la night. Car le jour m'éclaire, mais le jour m'éclaire. Donc je fais mon devoir.